sur cette question des différences entre hommes et femmes en matière de santé, quand on compare ce qui existe à l'international, enfin ce que je connais surtout c'est écrit en langue anglaise, et ce qu'il y a en France, on est frappé quand même par le fait qu'on ne traite pas des mêmes questions. Dans la littérature anglo-saxonne, depuis les années 70, il y a quand même deux grandes questions qui sont traitées. La première, on pourrait dire, donc, c'est sur les indicateurs et le genre des indicateurs, c'est la contradiction apparente, en tout cas, entre la surmortalité masculine, le fait que les hommes meurent plus jeunes, et la surmorbidité féminine, les femmes seraient en plus mauvaise santé, ou en tout cas, elles se déclarent en plus mauvaise santé. Et puis une autre question qui est présente, c'est que les inégalités sociales de santé sont plus faibles chez les femmes que chez les hommes. Alors dans ma thèse, ça correspond aux deux parties de ma thèse. Là, je vais traiter la première question. Et ces deux questions, elles sont intéressantes à traiter, parce que bon, il y a des choses, effectivement, en France, en démographie, en épidémiologie, qui sont rarement quand même... Enfin, il y a des choses sur genre et santé, il y a des choses sur inégalité sociale de santé, mais il y a rarement le croisement de tous les indicateurs, de toutes les variables. Et dans la sociologie française, la santé, elle est envisagée au féminin, en lien avec le rôle reproducteur des femmes et l'assignation des femmes à leur sexe. Si on prend par exemple les deux dictionnaires du féminisme d'Hirata ou de Lowie et Catherine Marie, on s'aperçoit qu'il y a les entrées qui ont un lien avec la santé, c'est l'accouchement, l'avortement, la contraception, la procréation médicalement assistée, les grossesses non désirées, les hormones sexuelles, la ménopause, etc. Il y a aussi des questions de violence envers les femmes, le harcèlement sexuel. Il y a des maladies féminines, l'hystérie, l'anorexie mentale. Il y a des pratiques plus masculines comme l'alcoolisme. Mais finalement, et il y a aussi bien sûr la question de la santé au travail. Mais cette question très générale, qui est l'objet de la présentation, de la santé, la mortalité, des différences de santé et de mortalité entre hommes et femmes, elle n'est pas très présente dans les travaux des sociologues français, à tel point d'ailleurs que quand ça veut être abordé, par exemple, dans l'état de savoir dirigé par Marouani, c'est fait par une épidémiologiste, Marie-Joseph Sorel-Cubizol. Sur la question des inégalités sociales de santé et leurs variations éventuelles selon entre hommes et femmes, alors déjà sur les inégalités sociales de santé, il y a assez peu de travaux en sociologie parce que c'est une sociologie qui est historiquement, traditionnellement plutôt une sociologie de la santé qui est sur les institutions, les professions médicales, les maladies, les malades. Et c'est étudié en démographie, en économie, en épidémiologie, mais souvent c'est ajusté selon le sexe, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas tellement la question de savoir si ça varie entre hommes et femmes. Donc on essaie d'enlever le biais entre hommes et femmes, et puis on regarde les différences entre catégories socioprofessionnelles. Donc là, c'est vraiment essayer de parler des différences d'état de santé entre hommes et femmes. Mais alors ça pose la question, bien sûr, de la définition de la santé. Alors j'ai repris la définition qui avait été celle aussi retenue pour le séminaire, qui est la définition classique de l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors cette définition, elle a l'avantage de s'écarter de la conception qui est uniquement négative et médicale, sous l'angle de l'absence de maladie. Mais bon, elle a fait l'objet aussi de nombreuses critiques. Alors, une des critiques, c'est qu'elle est peu opérationnelle, puisqu'elle est générale et positive, donc on va avoir du mal à trouver un indicateur synthétique pour réussir à mesurer cette santé positive, subjective, et en même temps avec les maladies, les incapacités. Elle est aussi utopiste, puisque ça, c'est une sorte d'idéal de santé parfaite. Elle est statique, puisqu'elle est... On s'intéresse à un état et pas forcément au processus, et notamment au fait que la santé, par exemple, se dégrade avec l'âge, et peut-être la santé devrait évoluer selon l'âge. Enfin, elle est normative aussi, puisque c'est un droit fondamental qui est proclamé par l'OMS, et c'est un cadre, ça c'est Didier Fassin qui en parle, pour les actions de santé publique. C'est un cadre légitime. Alors, il n'empêche qu'elle est quand même largement acceptée, qu'elle n'est pas modifiée depuis 1946, et je trouve qu'elle trouve quand même, enfin, elle est confortée par le fait qu'on la retrouve dans les représentations profanes de la santé. Donc, j'ai choisi de vous présenter trois aspects. Ça correspond à trois chapitres de la thèse auxquels vous pourrez, enfin, vous pourrez aller les consulter. La thèse, elle est téléchargeable sur Internet. D'abord, c'est la question des représentations profanes de la santé et des déclinaisons, en fait, entre hommes et femmes. Est-ce que les hommes et les femmes ont la même représentation de la santé ? Ensuite, quand on mesure la santé, ça fait apparaître des contradictions entre les indicateurs de santé. Et puis, finir sur le mal-être, qui est l'objet du séminaire, donc, et avec cette hypothèse et cette idée qu'il y a des expressions genrées du mal-être. Et donc, comme vous le voyez sur le plan, ça ne parle pas du tout du travail, hein, puisque y a pas là, c'est vraiment genre et santé et mal-être. Donc, les représentations de la santé, pour le coup, c'est une tradition assez ancienne dans la sociologie de la santé en France, qu'on trouve dans le travail pionnier de Claudine Herzlich, qui avait établi à partir de 80 entretiens, bon, qui sont menés avec des membres de classe moyenne et supérieure, trois formes de santé. Ce qu'elle a appelé la santé vide, c'est l'absence de maladie. Le fonds de santé, c'est la capacité de résistance et de robustesse à la maladie. Et puis la santé à équilibre, elle s'intéresse d'ailleurs surtout à ce type, qui serait un bien-être physique et psychologique, une capacité à mener ses activités et à entretenir de bonnes relations sociales. Donc, qui correspond davantage à cette définition de l'OMS. Alors, bon, ça a été repris par Janine Pierret sur un échantillon qui était plus diversifié socialement, qui faisait notamment apparaître plus de distinctions entre classes sociales, entre la santé maladie, qui est de définir sa santé par rapport à la maladie, qui n'est pas forcément l'absence de maladie, mais c'est en tout cas l'absence de maladie grave qui entraîne un traitement, par rapport à des maladies qui sont bénignes. La santé instrument, c'est la capacité du corps à agir, qu'on va surtout retrouver dans les catégories populaires, en fait, et donc la capacité à travailler. La santé produit, la santé comme produit de comportement sain, qui est ça, plus retrouvée dans les catégories supérieures. Et puis la santé comme, ça c'est une représentation plus marginale, comme produit des institutions publiques, de la santé publique. Alors il existe aussi un travail qui a été fait par Duto et Field à partir d'un questionnaire qu'ils avaient fait passer dans les centres de santé à Nancy, dans un centre de santé à Nancy, où c'était une question ouverte, où on demandait aux gens quelle est la meilleure définition de la santé. Ils faisaient une typologie en 10 classes et aussi s'intéressaient surtout à cette question de la confrontation entre le discours des catégories supérieures et des catégories populaires, et ils trouvaient une opposition entre l'hédonisme des catégories supérieures, qui répondait plutôt dans le sens de l'équilibre, se sentir bien dans sa peau, vivre une vie sans contrainte, profiter de la vie, par rapport aux catégories populaires qui étaient plus utilitaristes dans leur représentation, ne pas être malade, être en pleine forme physique, pouvoir travailler. Et ça s'intéressait finalement assez peu à deux variables qui sont moins sociales, mais qui peuvent aussi être centrales, à savoir l'âge et le sexe. Alors le travail qui a été mené par une sociologue anglaise, pour le coup, qui était un petit peu du même ordre, hein, on demandait à partir de deux questions ouvertes dans un questionnaire en population générale de définir la bonne santé pour soi-même et pour son entourage. Et l'analyse qu'elle fait, elle en ressort deux résultats importants. C'est que, avant tout, les représentations de la santé évoluent au cours de la vie. Elle identifie cette classe qui est intéressante de gens qui se déclarent, qui disent qu'on peut être en bonne santé même si on est malade, même si on a une maladie en tout cas. Et puis elle identifie des différences entre hommes et femmes. Alors dans sa typologie, elle n'identifie qu'un type qui est clairement genré, c'est celui de définir la santé en relation avec les relations sociales. Continuer à mener des bonnes relations sociales, à s'occuper des autres, et ça c'est un type clairement féminin. Il y a aussi une différence dans la référence aux activités. Quand les gens parlent d'énergie, de vitalité, les hommes font plus référence au travail professionnel, quand les femmes font plus référence à leurs activités domestiques. Et puis, il y avait une différence dans la forme des réponses, à savoir que les femmes donnaient des réponses plus longues, plus diverses. Alors, j'ai essayé de refaire ce travail à partir d'une question ouverte qui existe dans une enquête INSEE qui n'avait jamais été reprise, dans l'enquête permanente sur les conditions de vie de 2001. C'était « Être en bonne santé, qu'est-ce que cela signifie pour vous ?» avec en tête de regarder les différences qui pouvaient exister entre hommes et femmes. Donc ça correspond à l'analyse textuelle statistique d'environ 5000 réponses. Il y avait 95% de réponses exploitables, ce qui veut dire que la question elle faisait sens pour les gens. Et il y a deux types de réponses qui ne se confondent pas. Il y a des gens qui ont donné la définition d'une bonne santé, c'était 94% des réponses. Puis il y a quand même 6% des gens qui, à cette question, ne répondent que dans le registre des valeurs, en disant la santé, c'est la plus grande richesse, la plus belle, la chose la plus importante dans la vie. Voilà. Et donc, pour moi, qui suis bien sûr nourrie aux statistiques, puisque j'ai fait ma thèse à l'INSEE, c'était un compromis méthodologique entre le qualitatif et le quantitatif. Bien sûr, pour nous, c'est plus intéressant. Une réponse à une question ouverte, elle est plus riche qu'à une question fermée quand on demande aux gens comment est votre état de santé en général, puisque là on peut savoir un petit peu les catégories qu'ils mettent derrière leur estimation, même si ça produit, la question ouverte, elle produit des réponses courtes et stéréotypées, d'autant plus quand les enquêteurs INSEE sont limités en nombre de caractères. Mais c'est aussi parce que c'est répétitif qu'on peut appliquer des méthodes statistiques qui ont une capacité de synthèse et qui permettent notamment de réduire l'arbitraire des regroupements et de traiter des gros échantillons. Ce qui n'avait pas pu être fait par Duto et Field ou Blackster, qui avaient fait un post-codage manuel et qui, pour des statisticiens, il y a toujours le risque de l'arbitraire, de comment on a regroupé les catégories. Donc là, au moins, il y a la statistique. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des choix. Le logiciel ne fait rien tout seul. Si on le laisse faire tout seul, il sort n'importe quoi, puisqu'il va repérer des mots qui sont peu fréquents, ou il va sortir des mots outils. Mais il faut faire des choix aussi. Mais il y avait cette capacité de synthèse. Donc là, c'est pas forcément très lisible, mais ce que je voulais montrer par ce tableau, qui sont en fait les principaux segments verbaux, c'est qu'il y a un déséquilibre très net entre les formulations positives, c'est la colonne de gauche, et les formulations négatives. C'est négatif, c'est pour parler des maladies, des douleurs, du recours aux soins. Donc, être en bonne santé, c'est ne pas être malade, ne pas être fatigué, ne pas avoir mal, ne pas aller chez le médecin, ne pas avoir recours au médecin. Et puis, de l'autre côté, on a un certain nombre de définitions positives de la santé. Donc c'est être bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête, c'est être heureux, c'est avoir la forme, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, pouvoir faire du sport, pouvoir travailler, c'est faire ce que l'on a envie, etc. Donc une définition qui est positive de la santé, ça c'est un petit peu embêtant parce que dans les enquêtes, en tout cas en population générale, ce qu'on va mesurer c'est les maladies, les incapacités, donc on va le mesurer de façon négative, on va avoir du mal à opérationnaliser ce qui pour les gens visiblement est plutôt positif. Donc quand on regarde ensuite comment ça se distingue entre hommes et femmes, enfin dans leur discours, dans leur réponse, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas différenciées selon le sexe, c'est-à-dire des mots, des segments de mots qui sont communs aux hommes et aux femmes. Et ça évolue profondément avec l'âge, puisque les plus jeunes vont dire ne pas être malade, être en forme, la forme qui est à la fois physique et mentale. À l'âge d'activité, donc entre 30 et 59 ans, il y a la prédominance de la question du travail. Être en bonne santé, c'est travailler, pouvoir travailler. Et ça, c'est intéressant. Enfin, c'est un des résultats, qui vient d'être rappelé, c'est que le lien avec les conditions de travail n'est jamais évoqué. Personne dans les 5000 réponses va dire être en bonne santé, c'est avoir un meilleur travail, c'est ne pas avoir ce travail en particulier. La santé, c'est ce qui permet de travailler. Toujours dans ce sens-là, en tout cas, quand on interroge les gens, c'est à ça qu'ils pensent en premier. Et ensuite, à partir de 60 ans, donc a priori plutôt l'âge de la retraite, On est dans le domaine des valeurs, c'est la plus grande richesse, c'est ce qu'on trouve chez Boileau et Golac aussi, hein, cette importance de la santé le jour où elle commence à décliner fortement. C'est vivre normalement, c'est en fait continuer à vivre comme les autres, sans aide, et puis apparaît très fortement la question de la dépendance chez les plus âgés. Alors il y a quand même des différences entre hommes et femmes dans les discours, et notamment dans leur... on pourrait dire, enfin, moi, il me semble qu'il y a une relative légèreté dans le discours masculin. On le voit, ce qui est le plus caractéristique des hommes jeunes, c'est de faire du sport. Être en bonne santé, c'est pouvoir faire du sport. Quand en face, les femmes sont déjà à se soucier de ne pas avoir de maladies graves. Mais dans le discours des hommes, on voit que c'est important de bien manger, de bien se porter, d'avoir un bon appétit. Donc, une vision un peu plus hédoniste, centrée sur le bien-être. Quand chez les femmes, on a la prédominance de trois inquiétudes, la maladie, donc je le disais, les douleurs aussi, hein, ne pas souffrir, par exemple, et puis la dépendance qui apparaît plus tôt, dès la classe d'âge 60 ans, on voit que c'est important de se débrouiller seul, d'être valide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une typologie, en fait, donc à partir de toutes ces réponses, par une méthode de classification, j'ai fait une typologie en 10 classes. Donc le principe de la classification, c'était de... Les mots se regroupent quand ils sont utilisés par le même individu, donc dans la même réponse. Et ça c'est basé sur la co-occurrence des mots. Donc, et les individus qui ont utilisé les mêmes mots, ils seront aussi plus proches, hein, dans le nuage de points à partir duquel on fait la classification. Donc ce que j'obtenais, c'était, si vous voulez, les mots caractéristiques, la fréquence, et puis je devais mettre des noms aux classes que j'essayais d'identifier. Donc j'ai, sur les 10 classes identifiées, on peut regrouper en 3 grandes surclasses. Alors ça, c'est un travail d'interprétation, c'est pas la classification qui me le donne. Il y avait 3 grands domaines, le bien-être, qui alors ça correspondait à des questions d'équilibre et d'hygiène de vie, tout ce qui est lié à l'énergie, donc être en forme, dynamique, le bien-être, alors ça c'est parce que j'ai pas trouvé mieux, mais c'était se sentir bien dans sa peau, dans sa tête. Et puis ensuite il y avait les définitions médicales, dont on peut noter quand même que finalement elle représente assez peu de réponses, juste 16% par rapport aux 2 autres grandes classes, qui sont l'absence de maladie, l'absence de recours au médecin, l'absence de traitement, l'absence de douleur. Et puis une dernière classe qui représente à peu près 26% des réponses, que j'ai appelé le maintien des capacités, ces 3 classes ont en commun d'utiliser le verbe pouvoir. Et c'était être heureux et vivre normalement, la capacité à mener ses activités et la question de l'autonomie. Alors cette typologie, je l'ai caractérisée par différentes variables. Et ce qui ressort avant tout, c'est que la principale variable qui structure cette typologie, alors là ça se voit d'autant plus que j'ai ordonné mes classes selon cette variable, c'est-à-dire la variable d'âge, mais c'est vraiment la première structuration, c'est l'âge. Les représentations de la santé évoluent fortement avec l'âge. On est soucieux, les jeunes sont soucieux de la santé en termes de bien-être. Les définitions médicales, c'est plutôt au milieu de la vie. Et la question du maintien des capacités, c'est justement quand elle décline, quand on prend de l'âge. Et c'est pas seulement lié... parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est lié à l'état de santé? Puisque, en fait, avec l'âge, c'est l'état de santé aussi qui se dégrade. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé un indicateur d'état de santé qui était le fait d'être suivi médicalement pour une maladie chronique. Alors, c'est croisé avec l'âge, parce que sinon, j'avais qu'un effet. J'arrivais pas à distinguer mes effets entre l'âge et l'état de santé. Et on voit que c'est d'abord un effet d'âge et qui peut être décliné selon l'état de santé, notamment. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens qui sont suivis pour une maladie chronique, ils ne définiront pas la santé comme ne pas avoir de maladie, puisque ça serait un petit peu reconnaître qu'ils ne sont pas en bonne santé. Donc ils vont adopter d'autres définitions et ils vont insister sur les conséquences de la maladie, ne pas avoir de traitement, ne pas avoir de douleur. Donc j'ai fait la même chose pour le milieu social. Alors j'approchais avec le diplôme parce qu'il me fallait plutôt des variables en deux catégories dichotomiques pour pouvoir aussi les croiser avec l'âge. Et donc là on retrouve des choses très similaires aux résultats qui avaient été déjà montrés hein, sur l'équilibre, l'hygiène de vie, le bien-être. C'est plutôt des représentations des catégories supérieures. Et puis, enfin en tout cas des gens les plus diplômés. Et puis ce qui nous intéresse davantage, les différences selon le sexe. Et donc, si on ne tient pas compte de l'âge, on va remarquer que les femmes sont beaucoup dans les dernières catégories de maintien de capacité, mais c'est juste un effet de structure par âge. Étant plus âgées, elles vont être plus nombreuses dans ces catégories. Mais si on tient compte de l'âge, on voit qu'il y a trois classes donc, qui sont genrées, deux plus féminines, à savoir l'absence de maladie et l'absence de douleur. Donc les femmes vont plus souvent dire être en bonne santé, c'est ne pas avoir de maladie ou ne pas souffrir. Quand les hommes, eux, vont plutôt répondre être en bonne santé, c'est ne pas aller chez le médecin. Donc ça renvoie clairement aussi à leur rapport au corps et à la médecine, avec des hommes qui ont un rapport plus curatif, c'est-à-dire on va chez le médecin quand on est malade, alors que les femmes ont un rapport plus préventif à la médecine et elles ne vont pas spontanément penser à ça pour définir la maladie. Et donc, ce qu'on peut retenir de ce premier panorama sur la représentation de la santé, quand on se demande comment mesurer l'état de santé des hommes et des femmes, selon moi, il apparaît qu'il y a trois dimensions qu'il faut prendre en compte. Il y a le bien-être, la définition médicale, et la dimension fonctionnelle par rapport aux capacités ou incapacités. Il faut évidemment tenir compte de l'âge. Dès qu'on parle de santé, l'âge intervient comme une variable qui est fortement liée à l'état de santé. Et comme les hommes et les femmes, la population masculine et féminine n'ont pas le même âge moyen, il y a des effets de structure qui sont liés à l'âge. Donc les femmes sont mécaniquement, structurellement, elles sont en plus mauvaise santé si elles sont plus vieilles en moyenne. Donc il faut enlever cet effet-là de l'âge. Et puis on doit, à mon avis aussi, faire attention aux définitions médicales qui sont celles qui présentent le plus de différences entre les hommes et les femmes, alors que justement c'est a priori celles que les chercheurs, ou en tout cas les épidémiologistes, vont plutôt utiliser en premier lieu pour définir la santé, en tout cas celles qui sont les plus médicales, et c'est là qu'il y a les plus grandes différences entre hommes et femmes. Donc ces trois dimensions de la santé, elles sont reconnues par les chercheurs. C'est un modèle qui a été fait par Mildred Blackster. Alors ce qui est intéressant, c'est que elle-même, elle avait fait aussi cette analyse des représentations de la santé sur dans la population anglaise, et elle a élaboré ce modèle à partir des résultats qu'elle avait, et elle identifie les trois mêmes dimensions: le modèle médical, le modèle fonctionnel et le modèle subjectif. Et ensuite, on peut distinguer plusieurs types d'indicateurs qui vont être en gros du plus objectif, donc les mesures cliniques ou les diagnostics, à des mesures plus subjectives qui sont en fait de la déclaration. Alors on va retrouver dans les mesures cliniques, alors qui n'ont pas la même valeur d'un point de vue médical. D'un point de vue médical, les mesures objectives auront une plus grande valeur. Ça sera l'examen clinique ou le diagnostic médical ou la mesure des incapacités ou de l'état fonctionnel associé par exemple l'arrêt de travail. Et puis on a des mesures subjectives. Alors ça, il faut noter que c'est à peu près les seules qu'on peut obtenir dans des enquêtes en population générale, hein, puisqu'on ne peut pas faire des examens cliniques et des diagnostics sur des enquêtes de 20 000 ou 40 000 personnes comme les enquêtes INSEE. Donc on va avoir du déclaratif. Et donc là, on va avoir la déclaration de maladie ou de problème de santé. On va s'intéresser à l'incapacité à réaliser certaines tâches. Et au niveau subjectif, ça sera la santé perçue, la qualité de vie, la déclaration de symptômes physiques et de mal-être psychosocial. Donc en fait, on retrouve le mal-être dans cette case-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces trois dimensions, elles sont à l'origine de ce qu'on appelle le mini-module européen de santé. Ces trois questions qui permettent qui sont recommandées au niveau européen dans les enquêtes santé. C'est la santé perçue, comment est votre état de santé en général, le fait d'avoir une maladie ou un problème chronique qui a un caractère durable, et pour le modèle médical et pour le modèle fonctionnel, c'est le fait d'être limité dans ses activités quotidiennes depuis au moins 6 mois. Donc quand on regarde, en fait, ce qui est intéressant dans la comparaison entre hommes et femmes, c'est que on prend les 3 dimensions et on regarde des indicateurs plus ou moins objectifs, en tout cas, enfin, plus ou moins attestés par une tierce personne ou déclarés par la personne. Et c'est là que vont apparaître des contradictions dans ce qu'on observe chez les hommes et chez les femmes. Il y a des différences hommes-femmes, mais selon les indicateurs, ça va se produire de manière différente. Alors, bon, là, c'était juste un rappel, parce que ça paraît évident, mais c'est difficile, quand on parle d'un panorama global de la santé, de faire l'impasse sur la mortalité, et donc sur l'indicateur synthétique, l'espérance de vie. Donc, rappelez bien sûr que en France, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. En 2009, l'écart, il était de 6,7 ans. Alors, là, vous avez... depuis le milieu du XVIIIe siècle, j'ai compilé les données pour voir comment ça évolue. Donc on voit très clairement que sur les données dont on dispose, les femmes ont toujours vécu plus longtemps, mais c'était de l'ordre d'un écart d'espérance de vie de 1 à 2 ans jusqu'à la fin du XIXe siècle, et qu'en fait l'écart tel qu'on le connaît aujourd'hui, il se produit au cours du XXe siècle. Il y a une forte augmentation de cet écart qui est lié essentiellement à une évolution moins favorable pour les causes de mortalité du XXe siècle, à savoir la mortalité cardiovasculaire et la mortalité par cancer. Et depuis les années 90, là ça se voit pas sur le graphique, mais il y a une réduction de cet écart. Le maximum, il est dans les années 90 avec 8 ans d'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes. Et depuis les années 90, on a une réduction de l'écart qui est essentiellement lié à la diminution de la mortalité par cancer chez les hommes, et notamment à la diminution du tabac. Ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi les hommes meurent plus que les femmes. Ce qui est important dans cette surmortalité masculine, c'est quand même le risque de décéder avant 65 ans, ce qu'on appelle la mortalité prématurée. Les hommes ont un risque de décéder avant 65 ans qui est 2 fois plus élevé que les femmes. Donc, et elle est en plus, cette mortalité prématurée, elle est particulièrement forte en France, et elle est pour beaucoup liée aux causes de décès dites évitables. Alors évitables dans une approche de prévention, puisque évitable, c'est lié au comportement, donc au tabagisme, à l'alcoolisme, aux conduites dangereuses et aux comportements violents. Et ça joue beaucoup dans la différence entre hommes et femmes, dans les risques de décéder entre 20 et 65 ans. Et ça produit une part importante de l'écart de longévité, en fait, entre hommes et femmes. Donc ça, c'était juste un rappel sur la mortalité. Alors, la contradiction entre surmortalité masculine et surmorbidité féminine, c'est qu'en fait, quand on regarde les indicateurs, on va voir que les hommes vivent moins longtemps. D'après un certain nombre d'indicateurs objectifs, ils sont aussi en plus mauvaise santé. Mais en tout cas, quand on pose la question aux individus, les femmes apparaissent en plus mauvaise santé sur la plus grande partie des indicateurs. Donc là, c'était pour vous donner un exemple sur la dimension médicale. On a 2 mesures. On a le taux de personnes en affection de longue durée en 2008. Selon l'âge et le sexe, donc les graphiques, c'est ce qui rend aussi complexe, c'est qu'on a toujours, à mon avis, besoin de croiser le sexe et l'âge pour annuler l'effet de structure par âge, parce qu'il y a plus de femmes dans le dispositif ALD que d'hommes, en valeur absolue, mais c'est lié au fait qu'elles sont plus âgées, en moyenne. Mais si on le regarde par âge, on voit qu'on a un profil qui correspond plutôt à ce qu'on voit sur la mortalité. Mais à l'inverse, quand on pose la question aux individus dans une enquête, avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable, L'écart est plutôt dans l'autre sens. C'est que, à tout âge, les femmes ont plutôt tendance à déclarer plus souvent une maladie chronique, mais qui n'est pas forcément une ALD, là, pour le coup. Hein. On ne parle pas de quelque chose qui est pris à 100%, mais de ce que les gens entendent comme une maladie ou un problème de santé chronique ou durable. Alors, quand on creuse, c'est... alors là, je n'ai pas détaillé tous les aspects... pour expliquer ça, mais en fait, ce qui reste surtout, c'est qu'il y a une surdéclaration féminine des troubles psychologiques et somatiques. Pour vous donner une idée, quand on prend l'enquête santé de l'INSEE de 2002, les maladies ou problèmes de santé qui sont déclarés deux fois plus souvent par des femmes que par des hommes, c'est l'arthrose, les troubles intestinaux, les problèmes circulatoires dont veineux, les migraines, les dépressions, l'anxiété et la thyroïde. Enfin, les problèmes liés à la thyroïde. Et donc, ça pose question forcément. Donc, on se demande pourquoi les femmes surdéclarent ces symptômes-là, psychosomatiques, essentiellement. Alors, bon, l'origine biologique, pour le coup, je ne pouvais pas trop travailler là-dessus. Ce n'était pas mon domaine en tant que sociologue. Mais il n'y a pas de démonstration claire d'une origine biologique. Il y a des éléments, mais ça, visiblement, ça ne suffit pas à expliquer cette différence. Une autre hypothèse, c'est que ça traduirait le désavantage structurel des femmes sur le marché du travail et au sein de la famille. Resterait quand même à comprendre pourquoi ce désavantage structurel ne se voit pas dans d'autres indicateurs plus objectifs et bien sûr dans l'indicateur synthétique suprême qui est la mortalité. Mais de fait, quand on fait des modèles économétriques, enfin comme les épidémiologistes en fait, où on a juste différentes variables, où là j'essaie toujours de tenir compte des interactions avec le sexe. Alors je dis le sexe parce que en l'occurrence, dans mes enquêtes, ce que je mesure, c'est le sexe. Dans les enquêtes statistiques, on demande aux gens s'ils sont hommes ou femmes. D'ailleurs, ils n'ont pas d'autres modalités de réponse. Et donc, dans mes modèles, j'introduis cette variable qui est le sexe, mais qui révèle des effets de genre. Enfin, quelque chose qui est de l'ordre du genre. Alors, ça ne marche pas. On peut tenir compte du diplôme, de la catégorie professionnelle, de la vie en couple, de la présence d'enfants. C'est pas ça qui va expliquer l'écart de déclaration entre les hommes et les femmes. Alors, il m'importait aussi beaucoup de montrer que c'était pas lié à une tendance systématique à la surdéclaration de ce type de problème, parce qu'effectivement, il y a tout un discours quand même sur les femmes se plaignent plus parce qu'elles sont plus fragiles, enfin c'est dans la constitution féminine. Donc par une synthèse de différents travaux, notamment qui permettent de comparer des mesures objectives et subjectives, on voit qu'il n'y a pas de tendance systématique des femmes à se plaindre ou à en rajouter sur leurs petits problèmes de santé. Et donc l'hypothèse que je privilégie, c'est que si y a cette surdéclaration de troubles psychologiques et somatiques, il faut distinguer plusieurs types de pathologies ou de problèmes de santé. C'est que les femmes interprètent plus souvent leurs symptômes comme morbides. Donc cela tient vraisemblablement à la compétence médicale et à la culture somatique, pour reprendre les termes de Luc Boltanski, que les femmes acquièrent par leur socialisation, par leur proximité au système de soins, puisqu'elles vont plus souvent chez le médecin, comme par leur rôle de gestionnaire de la santé familiale. Mais, donc ça, cette hypothèse, elle a été également mise en avant en France par Pierre Ayache, qui est l'un des rares spécialistes français de ces questions en sociologie. Mais elle nécessitait d'être complétée quand même dans deux cas que j'identifiais. Le cas, bien sûr, des pathologies asymptomatiques, c'était un travail de l'IRDES sur l'hypercholestérolémie et l'hypertension, là on a besoin du diagnostic médical pour savoir qu'on en souffre, et effectivement le fait d'être pris en charge au niveau médical offre la possibilité d'être au courant du fait qu'on souffre de ces pathologies. Donc là c'était pas par le rapport au corps, par le fait qu'on connaît mieux ses symptômes, puisqu'on a priori on peut pas identifier les symptômes, mais c'est parce qu'on va plus chez le médecin, et ça aussi c'est genré. Puis le dernier cas, c'était quand même des pathologies dont a priori il n'y a pas forcément besoin, enfin dans le cas de l'obésité Il n'y a pas besoin du médecin ou de sentir les symptômes pour savoir qu'on en souffre, puisque on peut se peser, se mesurer, calculer son IMC. Là, il faut, il y a une sous-déclaration du poids très nette chez les femmes dans les enquêtes. Et à l'inverse, on voit aussi qu'il y a une sous-déclaration plus ou moins volontaire a priori de symptômes dépressifs chez les hommes, notamment. Les hommes vont plus souvent considérer que les personnes dépressives sont responsables de leur état. Donc, il y a cette question de la reconnaissance des symptômes dans le cas des pathologies qui engagent l'identité de genre. Et ces pathologies, elles vont être différentes, en fait, pour les hommes et pour les femmes. Donc, on peut faire le même travail... Ah oui, je voulais ajouter aussi, parce que c'est un aspect intéressant par rapport aux stéréotypes de sexe, c'est que les pathologies dont souffrent les hommes et les femmes et leurs déclarations dans les enquêtes, c'est renforcé aussi par les stéréotypes de sexe qu'on observe dans les attitudes de médecins. Il y a des expérimentations qui ont été faites à la fois sur les maladies cardiovasculaires où en fait avec les mêmes symptômes. On dit au médecin, voilà, ça c'est un homme qui vous décrit tel symptôme, là c'est une femme qui vous décrit tel symptôme. L'attitude du médecin ne sera pas la même, notamment le fait de prendre au sérieux les symptômes, de donner des conseils ou de prescrire des examens. C'est dans le cas des maladies cardiovasculaires, alors que c'est quand même la première cause de mortalité chez les femmes. Mais à l'inverse, ça a été fait aussi en France sur le traitement de la dépression. Les médecins vont plus facilement prescrire des antidépresseurs à des femmes quand elles vont venir décrire les mêmes symptômes que des hommes. Donc il y a un traitement aussi différencié des maladies au niveau de la médecine qui est lié aux stéréotypes de sexe et qui renforce de fait les stéréotypes. Donc on peut faire le même travail sur la dimension fonctionnelle, donc là sur les questions d'incapacité. Donc on a un indicateur qui est la reconnaissance officielle d'un handicap ou d'une invalidité selon l'âge et le sexe. Donc on voit que les hommes à tout âge ont plus souvent une reconnaissance officielle que les femmes. C'est lié au fait, bien sûr, que l'invalidité est liée au travail, donc... Ils sont plus souvent reconnus comme travailleurs handicapés, ils ont plus souvent une pension d'invalidité. Mais on peut noter quand même que dans le cas de l'allocation adulte handicapé, là, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans le nombre de personnes qui reçoivent cette allocation. Alors, cet écart, il s'explique aussi, et ça a été montré par Jean-François Raveau et Isabelle Ville, que, en fait, les femmes font moins souvent la demande de reconnaissance et elles font aussi les frais d'un rejet plus fréquent de leur demande. Mais quand on regarde ce qui se passe quand on demande aux gens, donc depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité dans les activités que font les gens habituellement ? Donc on a... 3 catégories, non aucunement limité, c'est le vert clair, oui limité, c'est le vert moyen, et oui très limité, c'est le vert foncé. On voit par exemple que pour les hommes et les femmes de 55-64 ans, il y a 73% d'hommes qui vont déclarer « je suis aucunement limité » et il n'y en a que 69% de femmes. Et cet écart s'observe quasiment à chaque âge, sauf la dernière tranche d'âge qui est un petit peu particulière, les 85 ans et plus, puisque là il y a un fort effet quand même de sélection par la mortalité, c'est-à-dire que les hommes qui ne sont pas encore morts à cet âge-là, on peut supposer qu'ils ont une forte résistance. Donc là, on voit moins de différence sur cette dernière tranche d'âge, mais sinon, on l'observe à chaque fois. Alors, comment expliquer cette différence dans la déclaration de limitation d'activité, d'incapacité ? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a d'abord, bien sûr, la structure par âge, mais là, par le graphique, comme on regarde par tranche d'âge, on annule cet effet. Il y a aussi le fait que les femmes sont plus touchées par des pathologies invalidantes, comme l'arthrose ou les démences. Alors ça, l'origine sociale ou biologique n'est pas vraiment déterminée. Mais il y a, à mon avis, il y avait une autre hypothèse qui était intéressante et que je développe dans la thèse. C'est lié à la mesure même des incapacités. Donc là, on est un peu sur la critique des indicateurs. On mesure les incapacités comme les difficultés à réaliser seules des activités quotidiennes. Et en l'occurrence, comme les incapacités apparaissent à un âge assez élevé, les activités sont essentiellement des quotidiennes sont essentiellement des activités domestiques, puisque il n'y a plus l'activité professionnelle, et qui restent assurées majoritairement par des femmes. Donc les femmes sont plus souvent exposées à ressentir des difficultés dans leurs activités par le fait qu'elles font des activités. Ce qui est frappant quand on regarde les graphiques, on demande aux hommes s'ils éprouvent des difficultés pour une liste de tâches domestiques, comme faire les courses, faire la vaisselle. Les hommes, notamment quand ils sont âgés, répondent très souvent « je n'ai pas à le faire ». Donc, comme ils n'ont pas à le faire, ils ne peuvent pas ressentir la difficulté. Et ces phrases, je pense que ça se voit assez bien dans ce graphique qui est l'espérance de vie à 65 ans avec et sans incapacité. Donc, on peut voir que si les femmes vivent plus longtemps, ça nuance aussi. Hein. Donc, l'espérance de vie, elle est plus longue que pour les hommes. L'introduction des incapacités nuance cette vision, puisque là, on a une espérance de vie sans incapacité qui est relativement similaire entre hommes et femmes. Et donc, en fait, les femmes vivent aussi longtemps que les hommes sans incapacité, et ensuite, elles continuent à vivre, mais avec des incapacités, en tout cas dans leur déclaration. Il y a, par exemple, cet écart, je trouve, qui est assez intéressant sur les activités de soins personnels et les tâches domestiques, donc c'est les deux premières colonnes, où on voit bien quand même sur les tâches domestiques cet écart entre hommes et femmes, où visiblement les femmes sont plus concernées par les restrictions dans les activités quotidiennes et qui sont domestiques. Et puis il y a un autre facteur, c'est que les femmes âgées vivent plus souvent seules. Et donc comme on pose la question, est-ce que vous avez du mal à réaliser seules ? En l'occurrence, au recensement de 2008, il y a 76% des hommes de 60 ans ou plus qui vivaient en couple, contre 43% des femmes. Et c'est encore plus marqué après 80 ans, puisqu'on est à 66% des hommes qui vivent en couple, contre 21% des femmes. Et donc, les hommes vont pas forcément avoir à faire les choses si leur femme le fait à leur place. Et puis, ils vont pas, quand on va leur demander est-ce que vous êtes aidés, ils vont pas forcément considérer qu'ils sont aidés par leur conjointe, puisque leur conjointe le fait depuis longtemps, et c'est pas vécu comme une aide. Tandis que, on voit bien dans les quand les femmes répondent à cette question, est-ce que vous avez besoin d'aide pour réaliser certaines activités quotidiennes, le fait d'être aidés par leur conjoint ou leurs enfants ou une autre personne, dans leurs activités domestiques dont elles se sentent la charge, ben elles vont le vivre effectivement comme un besoin d'aide et elles vont plus le déclarer dans les enquêtes. Donc enfin, pour finir, c'est la troisième dimension qui est la dimension subjective, alors qui elle se mesure de manière subjective par la déclaration, par l'indicateur classique, c'est cet indicateur de santé perçue. Comment est votre état de santé en général? Alors, il y a toute une discussion sur est-ce que cet indicateur peut suffire comme gold standard pour mesurer en fait l'état de santé global. Mais si on le prend en tout cas pour ce qu'il est, c'est-à-dire une mesure subjective de l'état de santé, qui est plutôt une bonne mesure d'ailleurs, puisque prédit assez bien la morbidité associée et elle prédit aussi la mortalité. Donc c'est ça, c'est plutôt une bonne estimation de l'état de santé qui parfois est meilleure que l'estimation du médecin. On voit là encore que les femmes se déclarent en plus mauvaise santé que les hommes. En tout cas, elles déclarent moins souvent à âge contrôlé en bonne ou en très bonne santé. C'est le vert clair. Donc par exemple, si on prend les 45-54 ans, il y a 72% des hommes qui se déclarent en bonne ou très bonne santé, 21% en assez bonne santé, 7% en mauvais ou très mauvais, et ça se compare à 68% de bonne ou très bonne santé chez les femmes, 25% d'assez bon et 8% de mauvais ou très mauvais. Et alors là, je regarde dans la thèse si est-ce que c'est lié à un plus grand pessimisme. Donc je compare par exemple pour une pathologie donnée, par exemple pour les gens qui ont déclaré avoir un cancer, est-ce que les femmes se perçoivent en plus mauvaise santé? C'est pas du tout le cas. Et en fait, cette appréciation plus négative, elle s'explique uniquement par ce qui précède, à savoir que comme les femmes déclarent plus de maladies et plus d'incapacités, et qu'elles en tiennent compte dans leur évaluation, bah, de manière agrégée, ça produit une évaluation plus négative de leur santé. Mais elles pondèrent aussi, ça se voit, leur appréciation, c'est-à-dire qu'il y a les maladies et puis les petits troubles de santé, tout ne s'additionne pas. Et donc ça s'explique en fait par cette surmorbidité déclarée, en tout cas cette meilleure connaissance, meilleure perception de leur état de santé. Alors s'il y a une différence entre hommes et femmes, elle est plutôt dans la déclaration qu'on ne voit pas sur ce graphique entre répondre « je suis en très bonne santé » et « je suis en bonne santé ». Effectivement, les femmes, et ça résiste au contrôle de différentes variables, que ce soit socio-économiques ou de morbidité, les caractéristiques de morbidité, les femmes se déclarent moins souvent en très bonne santé que les hommes. Et là, à mon avis, c'est plutôt à relier à la première partie, à savoir aux représentations de la santé, aux attentes qui peuvent être associées. C'est que les femmes, comme effectivement, elles ont cette définition médicale de la santé, centrée sur la maladie, la douleur. Elles vont plus quand même considérer que la présence d'une maladie fait qu'elles ne peuvent pas se déclarer en très bonne santé, mais elles ne vont pas non plus se déclarer en mauvaise santé. Donc elles vont choisir une modalité plus moyenne. Alors finalement, quand on fait ce panorama, on peut expliquer le fait que les femmes déclarent plus de maladies et d'incapacités et se perçoivent en bonne santé, en fait, à partir du genre. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la thèse, et de montrer, c'est toute la complexité, je pense, de ce sujet, de s'attaquer à la santé au sens large, c'est que selon les dimensions qu'on prend, selon les indicateurs, déjà on n'observe pas les mêmes différences entre hommes et femmes, mais en plus, ce n'est pas forcément les mêmes explications qui permettent de rendre compte des écarts. Et donc là, j'ai évoqué quelques manières dont le genre en fait affecte la description que les individus font de leur état de santé. J'ai parlé du rapport au corps dans la reconnaissance, l'interprétation des symptômes. J'ai parlé de la division sexuelle du travail, puisque les tâches domestiques sont une sorte de révélateur des incapacités. Ce que j'ai pas été capable de montrer dans ma thèse, c'est est-ce qu'en soi les tâches domestiques produisent des incapacités. Ça, j'ai pas trouvé les données. Pas pris le temps non plus de regarder cet aspect-là, mais ce qui est sûr, c'est que ça les révèle, puisqu'on pose la question sur les activités quotidiennes et que ces activités domestiques au grand âge occupent une grande place, surtout dans la vie des femmes. Et puis j'ai évoqué aussi cette gestion sociale et médicale différente de la santé des hommes et des femmes, donc à la fois sur la reconnaissance du handicap ou sur l'attitude différenciée des médecins. Donc il y a plusieurs façons dont le genre vient affecter en fait les déclarations et finalement on peut réussir à expliquer les différences qu'on voit en recourant aux interprétations qui ont trait au genre. Alors il y a une question qui reste en suspens à mes yeux, c'était la question du sens à donner aux nombreux symptômes physiques et psychologiques, psychosomatiques que déclarent les femmes. Et pourquoi finalement les femmes déclarent plus de symptômes de cet ordre-là, à savoir que par définition le symptôme c'est un signal corporel de quelque chose qui dysfonctionne. Et le fait que les hommes en déclarent beaucoup moins, et c'est là donc que je me suis intéressée à la question du mal-être. Alors déjà, pour l'instant ça n'a pas été fait dans le séminaire, il faut essayer de définir le mal-être et c'est loin d'être évident. Alors je propose une définition qui est issue en fait d'un article que j'ai écrit avec Jean-Louis Panquesson, qui est paru dans la Revue française de sociologie en 2008. Alors nous, on avait choisi on avait construit une définition à partir des lectures qu'on avait pu faire. On s'était pas mal inspiré de d'Alvax, qui en fait, puisqu'au départ on travaillait sur le suicide, et donc l'avantage d'Alvax, c'est qu'il montrait que on pouvait s'intéresser à la souffrance individuelle et aux motifs individuels du suicide. Il disait que, et ça permet de dire que le mal-être ne se réduit pas à la souffrance individuelle et psychologique, mais affiche une dimension éminemment sociale. Et donc là, je cite Alvax, il dit dans les causes du suicide, les troubles mentaux et tous les états qui leur ressemblent varient par l'effet d'influence sociale et de changement dans la société. Alors, la maladie mentale, en fait, il dit c'est un fait social qui doit s'expliquer par des causes sociales. Et nous, c'était ça qui nous intéressait. C'était cette dimension sociale de la souffrance individuelle, de la souffrance psychologique. Et Alvax permettait de réconcilier le social et l'individuel, enfin, et les motifs individuels et les causes sociales du suicide. Donc la définition qu'on avait prise finalement, c'était donc un état de souffrance émotionnelle, psychologique, qui naît des interactions entre une tension singulière. Roger Bastide, qui a travaillé sur les maladies mentales dans les années 60, il parlait de stimuli agressifs. Un individu doté de caractéristiques sociales, parce que c'était ça, et c'est effectivement un individu, mais il a des caractéristiques sociales dont l'une est le genre, et les normes et valeurs d'une société, où là, bon, on avait fait référence aux travaux de Norbert Elias, effectivement, selon, et Alvax en parle aussi, les changements de la société, il y a des choses qui vont plus ou moins nous toucher. Je pense par exemple, je ne sais pas, au décès d'un enfant. C'est certainement plus difficile à vivre aujourd'hui qu'à des époques où la mortalité infantile était plus élevée en France à une autre époque. Donc, ça c'était, donc on a pris cette définition-là. Et l'idée, c'était on voulait un petit peu réexaminer le suicide. Et il y avait une phrase de Tocqueville que je trouvais intéressante. Il disait « On se plaint en France que le nombre de suicides s'accroît. En Amérique, le suicide est rare, mais on assure que la démence est plus commune que partout ailleurs. Ce sont là des symptômes différents du même mal. » Et cette idée, en fait, qu'on pourrait avoir différents indicateurs du mal-être, le suicide étant bien sûr l'expression ultime, puisqu'on décide de ne plus vivre. Donc la souffrance est telle qu'on décide de ne plus vivre, mais il y a d'autres indicateurs de ce mal-être. Et dans cette problématique de genre, on peut faire l'hypothèse, comme David Mécanique, que les hommes et les femmes ont tendance à rapporter des symptômes de nature différente pour exprimer leur mal-être. C'est assez bien exprimé, je trouve, par Alain Ehrenberg, qui dit « L'alcoolisme est la manifestation principale de la dépression masculine. Les femmes développent des symptômes, les hommes des comportements. » Et donc, à partir de ces idées-là, on a déconstruit, parce qu'il fallait les déconstruire, les catégories médicales. Là, je vous ai mis un extrait du sommaire du rapport de l'ADRES sur la santé des femmes en France, qui est paru en 2009, qui avait été commandé par Roselyne Bachelot. Et on voit dans la façon dont sont organisés en fait les chapitres, la façon dont on conçoit la santé. La consommation d'alcool, de tabac et de drogue, c'est dans le chapitre « Addiction et toxicomanie ». La santé mentale, c'est les troubles des conduites alimentaires, les troubles dépressifs, le recours aux soins. Et puis, dans la partie accidents et traumatismes, on trouve les suicides et tentatives de suicide. Or, ces indicateurs, on va le voir, ils ont des spécificités, notamment de genre. L'alcool, le tabac, les drogues, c'est plus masculin, mais c'est mis dans le chapitre addiction. La santé mentale, qui serait a priori notre indicateur de mal-être, c'est l'anorexie, la boulimie, la dépression, qui sont plus féminines. Et puis, le suicide n'est pas mis dans la santé mentale, il est mis dans les accidents et traumatismes. Donc, quelques rappels sur le suicide. Donc, c'est les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. En l'occurrence, là, l'approche qui est privilégié dans cette présentation, c'est une approche qui est centrée sur le genre, avec l'idée que c'est une variable prédominante. Et effectivement, comme Florence, je crois assez quand même que les écarts sont tels, et le suicide en est un très bon exemple, les écarts sont tels qu'il y a quelque chose effectivement de l'ordre de la différence homme-femme. Alors ça n'évolue pas, en plus la différence entre, donc c'est un constat régulier depuis le 19e siècle, et là vous avez les chiffres depuis les 1980, ça reste assez constant, même si pourtant les femmes participent plus à la vie sociale, alors que Durkheim disait que c'était lié à leur moins de participation à la vie sociale si elles suicidaient moins, alors qu'il y a des familles qui se décomposent et qu'il y a cette hypothèse donc, de Bodlow et Establé comme quoi les femmes seraient protégées du suicide parce qu'elles sont statutairement plus intégrées, notamment dans les relations familiales. Et donc l'objectif de l'article, c'était de réexaminer ces constats, à savoir de réexaminer cette idée que la protection féminine vient de l'intégration familiale. Et puis l'autre résultat qui est celui de Durkheim et qui avait été analysé aussi par Philippe Bénard sur le bénéfice différentiel au mariage, comme quoi les hommes bénéficient plus du mariage que les femmes et de la vie en couple, en tout cas quand on regarde à travers le prisme du suicide. Donc ça c'était l'objectif de l'article. Mais si on regarde déjà rien que sur les indicateurs, Deux indicateurs qui ne sont pas identiques, bien sûr. Hein. D'un côté, on a les suicides, 10 à 11 000 cas par an. De l'autre côté, on a les tentatives de suicide. Alors, celles qui sont identifiées par le système hospitalier, on est de l'ordre de 200 000 par an. On voit que, alors c'est malheureux, mais les courbes sont inversées au niveau de la couleur. Mais pour le suicide, à tout âge, les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes. Et d'ailleurs, on peut noter quand même que le suicide concerne surtout les hommes âgés. Même si on peut parler du suicide des jeunes, c'est parce que effectivement les jeunes ne meurent pas beaucoup, donc le suicide occupe une grande place en tant que cause de décès, mais c'est surtout les hommes âgés qui se suicident. Et les tentatives de suicide s'est inversée puisque la courbe noire là c'est les femmes, donc les femmes tentent plus de se suicider. On voit que le profil par âge n'a rien à voir, on est donc des tentatives de suicide plutôt jeunes quand les suicides se produisent plutôt à un âge avancé, avec ce creux, j'y reviendrai, autour de 25 à 40 ans. Et donc, je pense que là, on peut voir que, enfin, l'idée qu'on défend dans l'article, c'est qu'il y a un risque d'interprétation erronée à se focaliser sur un seul indicateur de mal-être sans tenir compte de ses spécificités, par exemple spécificité selon l'âge, mais qui nous concerne davantage ici, de genre. Donc si on tire des conclusions sur le mal-être à partir d'un seul indicateur, sachant que cet indicateur il est profondément genré, ben on renseigne bien sûr sur cet indicateur, mais on ne peut pas parler du mal-être en général. Et ce qui est valable pour le suicide n'est pas forcément valable pour les autres formes de mal-être. Donc on regarde différentes formes de mal-être, enfin, qui étaient aussi celles qui étaient disponibles dans les enquêtes en population générale. En l'occurrence, on a regardé le risque suicidaire, qu'on a appelé risque suicidaire grave, parce qu'on n'avait pas assez de tentatives de suicide au cours de l'année écoulée dans les enquêtes en population générale. Donc on avait construit cet indicateur de deux façons, soit les gens qui avaient fait effectivement une tentative de suicide au cours de l'année, soit les gens qui en avaient fait une au cours de la vie et qui avaient pensé au suicide au cours de l'année, sachant qu'avoir fait une tentative de suicide, ça augmente fortement le risque d'en refaire une autre. Ensuite, on avait mesuré la dépression de façon indirecte par les 20 questions d'une échelle internationale standardisée qui est l'échelle CESD qui permet d'évaluer la sévérité des symptômes dépressifs. Alors plutôt que de prendre une autre mesure qui pourrait être la prescription d'antidépresseurs, mais dont on sait qu'un tiers des prescriptions ne sont pas pour la dépression, et plutôt que la déclaration spontanée aussi, parce qu'on voit bien que en déclaration spontanée les hommes déclarent trois fois moins que les femmes être dépressifs. Quand on l'approche de manière indirecte par une batterie de 20 questions, les 20 questions du CSD, c'est deux fois moins. Donc on réduit un petit peu la différence de déclaration. Et puis on regardait aussi la dépendance alcoolique, alors là qui est mesurée par un autre indicateur validé internationalement qui s'appelle le DETA, qui est une adaptation d'un indicateur américain et qui permet en l'occurrence de mesurer une consommation à risque hein, d'alcool. C'est pas le fait de boire de l'alcool, mais c'est le fait que la consommation est à risque. Et l'hypothèse qu'on faisait, qui ressort, en tout cas, là, on voit très clairement, il y a des écarts qui sont d'abord de genre entre hommes et femmes pour tous les indicateurs. Donc, à tout âge, les femmes ont un risque suicidaire grave plus élevé que les hommes. C'est la courbe en petit pointillé. Si on prend le risque dépressif, enfin la dépression, les femmes ont un risque plus élevé aussi de présenter des symptômes dépressifs sévères, majeurs. Ça, c'est la courbe en pointillé un peu plus allongée, qui est au-dessus, la courbe des femmes est au-dessus de la courbe des hommes. Et à l'inverse, si on prend la dépendance alcoolique, on a un fort écart entre les hommes et les femmes, et cette fois-ci, c'est les hommes qui ont un risque de dépendance alcoolique plus élevé à tout âge. Et à côté, je vous ai mis, alors c'était l'objet de l'article, c'était de regarder donc l'intégration familiale, donc ce sont les types, je ne sais pas si c'est très lisible, mais ce sont les types de ménages, donc on a les célibataires, les divorcés, les veufs, les familles monoparentales, les gens qui vivent en concubinage et les mariés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que à une exception, qui est la dépression chez les hommes veufs, on voit que l'écart est toujours très fort, toujours dans le même sens. C'est-à-dire que quel que soit le type de ménage, le risque suicidaire grave est plus fort chez les femmes. De même pour la dépression. Et c'est complètement inversé dans le cas de la dépendance alcoolique, puisque là, ce sont les hommes qui ont un risque plus fort pour tous les types de ménages observés. Alors, je voulais préciser quand même qu'il y a autant sur le suicide, comme on le voyait tout à l'heure, il y a une grande constance de l'écart entre hommes et femmes. Il y a d'autres comportements dont on peut aussi considérer que c'est une forme de mal-être, en tout cas de gestion du stress, comme le tabac, où il y a des rapprochements des comportements entre les hommes et les femmes. Donc là, c'est un graphique qui montre ce rapprochement depuis les années 70 à nos jours. Et ce rapprochement, ça c'est pour les profils d'alcoolisation et le risque chronique par rapport à l'alcool, ce rapprochement, il se fait par les catégories supérieures, puisqu'on a... Alors, je précise, et c'est aussi pour ça que... ces graphiques sont un petit peu compliqués à lire, puisqu'on croise... On a un indicateur et on observe l'âge, le sexe et la catégorie socio-professionnelle. Mais même si éventuellement on peut prendre le temps de les expliquer, surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'existent pas. Comme disait tout à l'heure Florence, c'est très rare déjà d'avoir des données sexuées. Donc on va avoir soit des données par sexe, soit des données par catégorie socio-professionnelle, mais on va très rarement avoir tout, et qui tiennent compte de l'âge, très rarement avoir toutes les variables. Et donc là, dans ce graphique, si on prend le risque chronique, hein, qui est plus proche de ce que nous on a appelé la dépendance alcoolique, on voit bien un profil social qui est différent chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires, les employés ont moins ce risque chronique d'alcoolisation que les ouvriers, et en particulier les ouvriers non qualifiés. On note cependant que les groupes sociaux les plus à risque chronique, ce sont les indépendants chez les hommes. Et chez les femmes, la forme en fait est inversée, puisque ce risque chronique, c'est chez les femmes cadres et professions intellectuelles supérieures qu'il est observé le plus fortement, beaucoup plus que chez les employés ou les ouvriers. Et je signale aussi, et c'était pour ça que j'ai choisi cet angle dans la présentation, on note quand même que les écarts sont tels, là encore, la prédominance du genre, de la différence entre hommes et femmes sur les différences sociales dans ces expressions genrées du mal-être. Alors, juste un exemple... c'était donc un des résultats de l'article. Quel est l'intérêt de multiplier les indicateurs au risque de produire effectivement une image qui est complexe, qui est difficile à synthétiser? C'est que ça permet aussi de remettre en question certains résultats admis, hein, puisque donc, cette idée que les femmes seraient protégées du suicide, mais le suicide entendu quand même plus largement comme la manifestation ultime du mal-être par la présence d'enfants, On l'a réexaminé dans l'article à partir de ces différentes expressions du mal-être, le risque suicidaire grave, la dépression et la dépendance alcoolique. On trouve effectivement qu'il y a une protection des mères chefs de famille monoparentale comparée donc aux femmes divorcées sans enfant à charge pour comparer la même situation au niveau du couple et juste pour regarder la différence sur la présence ou non d'enfants. Il y a une si on compare ces deux groupes, les femmes chefs de famille monoparentales et les femmes divorcées sans enfant à charge, on voit effectivement que les femmes qui sont chefs de famille monoparentales souffrent moins de ces expressions de mal-être. Pour les mariés, on voit que la présence d'enfants protège des tendances suicidaires, mais ne protège pas des autres formes de mal-être que sont la dépression et l'alcool. Et chez les femmes en concubinage, on s'aperçoit que les enfants, là non plus, ne protègent pas du mal-être, mais ils en déterminent plutôt l'expression, c'est-à-dire qu'on observe un risque accru de tendance suicidaire quand il n'y a pas d'enfants dans le foyer, et quand il y a une présence d'enfants dans le foyer, on va plutôt observer des épisodes dépressifs, en fait. Et donc l'idée qu'en fonction de la configuration familiale, l'expression du mal-être peut aussi se modifier. Et donc ça relativise l'hypothèse de l'intégration familiale qui serait bénéfique pour les femmes. Elle l'est, c'est vrai, face au suicide et donc au risque suicidaire, aux tendances suicidaires, mais elle n'est pas forcément par rapport à d'autres expressions qui sont moins radicales. Et l'effet des enfants, en fait, apparaît plutôt comme une occultation de la voie suicidaire. Alors l'hypothèse qu'on fait, c'est parce qu'il y a une condamnation sociale de l'abandon des enfants, et ça s'exerce certainement encore plus fortement sur les femmes que sur les hommes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on y reviendra. Là, c'est quand même assez net ce décrochage dans la courbe sur les tentatives de suicide chez les femmes aux âges où elles ont des enfants. Il y a effectivement un trou qui correspond aux âges où elles ont des enfants. Donc effectivement, les enfants protègent du suicide, mais ils ne protègent pas en soi du mal-être. Et donc ça remet un petit peu en cause l'idée que les femmes s'épanouissent dans leur maternité. Et voilà. Donc, en conclusion, je pense que quand on s'intéresse à la santé d'un point de vue sociologique et pas d'un point de vue médical, il convient d'adopter une définition qui est multidimensionnelle de la santé, qui est à la fois donc médicale mais aussi fonctionnelle et subjective, qui inclut les dimensions objectives et subjectives, positives et négatives. Et en l'occurrence, c'est quand on travaille la question du genre que la multiplication de ces indicateurs devient intéressante et heuristique, parce qu'elle fait apparaître des contradictions qu'on a besoin d'expliquer. C'est ce que disait Pierre Ayache, hein. Il disait « L'intérêt pour la morbidité ressentie est essentiellement d'ordre scientifique, en particulier pour les sciences sociales et humaines. C'est de cette morbidité dont il s'agit dans la différence entre hommes et femmes. Donc cet intérêt pour les indicateurs subjectifs, confrontés aux indicateurs objectifs, et c'est peut-être là... Une des choses que la sociologie peut apporter par rapport à l'épidémiologie, parce que pour l'épidémiologie, c'est des contradictions qui sont insolubles. Pour l'épidémiologie, le fait qu'il y ait deux indicateurs contradictoires, où il y en a un qui est objectif, qui a priori a plus de valeur, l'autre qui est subjectif, c'est qu'il y a un biais de déclaration qu'on va essayer de contrôler, d'ajuster. Là, au contraire, on essaie de prendre en compte cette complexité, de dire que c'est des diverses façons d'éclairer un même phénomène et qu'il va falloir trouver l'explication qui permet de rendre compte de ces variations entre hommes et femmes qui sont très fortes quand on compare justement ces indicateurs objectifs et subjectifs de santé. Et donc, je vous ai donné l'exemple à partir du mal-être, c'était l'objet du séminaire, de cette nécessité de comparer les indicateurs de santé, notamment dans la question du mal-être. Je trouvais ça assez frappant dans ce que disait Florence tout à l'heure sur les risques psychosociaux pour les femmes, sur les violences psychiques et sur Il y avait le port de charges lourdes, mais ça, c'est mesuré dans les enquêtes. Et puis, il y en avait un autre, peut-être des facteurs managériaux qui ne sont peut-être pas mesurés. C'est-à-dire que sur les quatre indicateurs des femmes, il y en a deux qui ne sont pas mesurés dans les enquêtes en population générale, alors que les quatre chez les hommes, qui étaient le port de charges lourdes, le bruit, et puis je ne sais plus, eux, ils sont mesurés dans les enquêtes. Donc, forcément, la mesure entraîne le fait qu'il y a des choses qui sont occultées. Et donc, si on veut étudier le mal-être, je pense qu'il faut déconstruire les catégories habituelles de santé mentale, psychologie, et s'autoriser à comparer des choses qui ne sont pas toujours comparées pour essayer de trouver les manifestations féminines, masculines de ce mal-être, en tout cas de la façon dont les hommes et les femmes l'expriment. Et donc, j'ai essayé de très rapidement montrer que des expressions telles que le suicide, le risque suicidaire, la dépression, la dépendance alcoolique, en fait, bon, l'hypothèse c'est que c'est forgé dans la construction sociale du masculin et du féminin et que c'est l'intériorisation de valeurs et de normes genrées par la socialisation qui se traduit dans les malaises ressentis et dans les réactions profondément intimes. Je trouve que c'est un bel exemple aussi de la force de la socialisation différente des garçons et des filles, que de voir que dans la façon de réagir de façon très intime en fait à la vie, on va adopter des comportements ou des manifestations qui sont différentes entre hommes et femmes. Et ça s'observe très tôt, hein, puisque là, sur les graphiques, quand on regarde déjà à 15 ans, on a déjà ces différences entre hommes et femmes sur le suicide ou les tentatives de suicide. Et alors, bon, l'objet de la thèse, c'était aussi de montrer, au final, quand on sort de ce panorama global, on peut aussi se dire que ça permet de concevoir une origine sociale commune, à savoir le mal-être, au phénomène de la surmortalité masculine, puisque je vous ai dit quand même que c'est énormément lié à cette mortalité qui est liée au tabac, à l'alcool, au comportement violent et dangereux, et à la surmorbidité féminine qui se traduit et se manifeste essentiellement par des troubles psychosomatiques, et qu'en fait on trouve une origine commune à ces deux phénomènes qui semblaient a priori contradictoires. Le mal-être des femmes s'exprime essentiellement à travers des troubles psychologiques et somatiques sur lesquels repose le constat de leur surmorbidité, tandis que les formes les plus acceptables, en tout cas pour les hommes, hein, de l'expression masculine du mal-être, sont aussi les plus nocives et les plus risquées en matière de santé, à savoir l'alcool, le tabac et les violences. Voilà. Et donc j'avais préparé une dernière diapo, puisque je n'avais pas le temps de présenter ça, qui était sur les inégalités sociales, alors de mortalité. C'est les derniers chiffres qui sont sortis dans un document de travail de l'INSEE en 2011, donc sur la mortalité observée de 2000 à 2008. Ce graphique, il nous apprend deux choses. À mon avis, à retenir sur ce sujet-là, bon, que j'ai pas le temps de développer aujourd'hui, c'est d'abord que il y a toujours cette idée de prédominance du genre, parce que si on prend une femme ouvrière peut espérer vivre encore 49 ans, soit 2 ans de plus qu'un homme cadre supérieur. Donc, si on compare le violet des femmes avec le bleu des hommes, une femme inactive vit aussi longtemps, enfin peut espérer vivre aussi longtemps qu'un homme cadre supérieur. Donc on a quand même cet écart très fort entre hommes et femmes. Et puis ensuite sur la force du gradient social, hein, puisque on a des inégalités sociales qui sont plus fortes si on compare, disons, les cadres et les ouvriers. C'est encore plus marqué, bien sûr, si on prend en compte la catégorie bien spécifique en termes de santé des inactifs non retraités. Donc, si on regarde la différence entre les cadres et les ouvriers, qui est de 6 ans chez les hommes, elle n'est que de 3 ans chez les femmes. Et ça, c'est vrai depuis qu'on le mesure, c'est-à-dire depuis les années 70.